d'amour, mets de boîte à chaud sur planqué dans l'armoire. Si tu parles pas pognon, c'est que t'as rien compris à l'histoire. Oh, pas de tour, ça parle de baise autant que ça parle vengeance. Ça parle de balance qui parle sur toi souvent, ça parle pour que dalle. J'entends dire ici c'est dead, c'est la merde. Deux trois affaires louches frères, la plupart du temps vaut mieux se taire. Autant de shit et traces de pisse dans le bloc et crie nique ta mère. Les petits rêves de ML, de Glock, les cauchemars de leur père. Topza sur le parking face en gladiateur ou K1. Y'aura de grosses commotions cérébrales sur l'asphalte. Hémoglobine sur les pompes direction les urgences. Et si regarde derrière la fenêtre c'est le 17 qu'il compose. 2 à 3 fois par jour, 3 à 5 fois par soir. Et si on se marre sous défense vie sur le fil du rasoir. Rase les murs si t'es wanted, que tu veux éviter la gardave. Pour esquiver les embrouilles mieux vaut pas sortir le soir. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gale. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gale. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça charbonne le banc. Haja, ça amorce le pompe. Les jeunes plus en plus en pitié se moquent des copes et bombent le torse. J'te parle de là où le destin te joue des sales tours. Là où la poisse c'est comme les joints ça tourne. En bas des sales tours. Heureusement à ce jour j'te parle de là où le rap m'a éloigné. J'cautionne tous les coups de vis que s'ils servent à payer le loyer. Y'a trop de merde mais aussi de l'espoir en bas des tours. On n'écoute plus les belles paroles, ce qui nous laisse croire on s'en bat les couilles. L'état se fout des jeunes et des cris de détresse qu'ils émettent. Incompris et mis à l'écart ça tourne à l'émeute. Écoutez la meute qui pour vivre découpe les lamelles. Moi mes couplets en mèche, combat le système et Sarko mes couches de la mèche. Au bas des tours c'est Jill, estanque, galère, restage. Huissier, survie, comment tu veux qu'on reste sage. En bas des tours ça crie, ça rappe, ça lutte, ça pue, ça gratte, ça crise, ça craque, ça crie. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gale. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Quand dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gale. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Quand dans la réalité froide et brutale. On crame les souvenirs dans des barils de 10. On tue notre avenir, on est guetté par Ibis. La peine est un alibi pour se péter à la tease. On voit rien de magnifique, époque string et marésie. Cocaïne dans les pifs, faut qu'on style d'ici vite. Mes frères d'ici plan, OH, tous les jours peine et rame. Deviennent paranoïaques, une lame sous la norac. Ça va son âme, au diable, ça passe sous la table. Nous ça passe ou ça casse, j'suis pas fan d'Oussama et toute cette haine. Dis-moi où ça mène, on se tue aux amas. Car constamment ça va mal, on vit dans un monde sale. Nos cœurs saignent, y'a pas de médecin. Garde tes conseils véreux, toutes les portes on est verrou. On avance et on verra, ça nous mène vers où. C'est pour mes frérots que le mal a effrayé. Qui dans le droit chemin à tout prix veulent se frayer. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gueule. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gueule. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gueule. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale. Au bas des tours, ça deal, ça se boxe et ça gueule. Au bas des tours, les affaires sont rarement légales. Au bas des tours, ça tease, ça se dope et ça vole, c'est sans détour. Comme dans la réalité froide et brutale.